pedophiles rape little kids for energy. It's satanic ritual. WTC. Moi-même, j'ai endossé des pro, c'est pro. Des avortements, trop d'injustice. Ouais, je regrette. Malheureusement, Jésus, pardonne-moi. Sanctuaire et pleurs. La nouvelle mode est de voler l'énergie des petits enfants. Il les adopte pour les offrir en sacrifice à Satan. Tous ces élites corrompues postées dans le gouvernement qui subventionnent ces avortements. Ces prédicateurs de l'évangile à l'abri dans le Vatican. Ces étoiles hollywoodiennes comme Angelina Jolie et Madonna qui veulent à tout prix s'accaparer de l'un de nos petits bébés noirs pour en faire leur propre bonheur. Les statuettes en bois d'ébène dans leur salon ne suffisent plus à leur protection. Avec leur argent, ils veulent acheter notre sang. Imagine cela, un couple homosexuel qui élève l'un de mes petits frérots, le déstabilisant en lui enseignant tout au long de son cheminement que c'est l'amour et que ceci est normal. Ce n'est pas juste et immoral. Vous n'avez aucun cœur, même les PDG y prennent part. Pierre Bélanger de chez Skyrock, tu crois qu'on t'a oublié? De même pour toi, mon vieux salaud de Guy Cloutier. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, la petite Nathalie Simard. Et pour ton cinéaste favori, Roman Polanski, il mérite la prison à perpétuité. Pourquoi Allah ne protège pas nos petits de ces grands corps malades? Putain! Pedophiles rape little kids for energy. It's satanic ritual. WTC. Angelina excellée, sous-maîtrisée, l'énergie dérobée à notre jeune Céline. Marions une enfant selon des anciens rituels parallèles au pentagramme. Sous le plancher, dérobant le souffle de vie de l'enfant pur. Science draconienne gravée au laser sur les murs des pyramides égyptiennes, canalisées sur son désir de gloire. À l'échelle planétaire, idolâtre sa création, Céline Dion. Alors que Cloutier a échoué, marqué au fer chauffer la petite Nathalie et le petit René, de tourner la page chez les Simard, impossibilité. À se demander d'où vient Camaro, fils de riche bijoutier, LMDS, deux adolescents prépubères, laissés seuls avec leur bourreau en enfer, aux productions qui Cloutier, plus que de simples agressions ou de vulgaires viols. On parle ici de pacte énergétique avec le diable. Camaro, c'est dégoûtant ce qu'il t'a fait, comment il t'a permis d'atteindre ton semblant de succès, il t'a volé ton âme. À l'état infantile, seul son sang à travers des techniques particulières pourront te la ramener. Demande aux vieux Européens de lignée reptile, ils sauront te l'expliquer. Pedophiles rape little kids for energy. It's satanic ritual. WTC.